الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ما زلنا في الباب 30 الذي يتعلق بالمحبة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 30 qui traite de la mahabba, de l'amour. Dans le premier verset, parmi les hommes, et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux, à lui en les aimant comme on aime Allah. Dans ce verset, nous avons cité l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala de par la mahabba et l'interdiction d'aimer avec Allah autrui. Nous avons également cité que l'amour est la base de la foi et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la pire forme de shirk est de donner un égal à Allah tabaraka wa ta'ala dans la mahabba, dans l'amour. Puis nous avons cité aqsamul mahabba, la division de l'amour. Il y a le mahabbatu ibada, l'amour qui est une adoration. Wa hiya allati takun ma'a tamami dhulli wa ta'zim wa imtithali al-awamir وتقديمها على أوامر غير المعبود. Donc l'amour adoration est celui qui est accompagné d'humiliation, de vénération, celui avec lequel on se conforme aux ordres du bien-aimé. Et on s'éloigne de ses interdits. Et de cet amour découle l'obéissance et le délaissement des interdits. Cet amour ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui voue cet amour à autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme. Wal'iyadu billah. Puis il y a al-mahabbatu tabi'iyya. L'amour naturel. L'amour naturel. Ensuite, il y a le mahabbatu ash-shirkiyya. L'amour qui entre dans le polythéisme, c'est le fait d'aimer avec Allah. C'est le fait d'aimer avec Allah. Et découle de l'amour en Allah, le mahabbatu fillah. Le fait d'aimer pour Allah. Le fait d'aimer ce qu'Allah aime. Le fait d'aimer ceux qui aiment Allah et le craignent, le fait d'aimer ceux qu'Allah a aimés. Aimer les prophètes et les messagers, les anges et les personnes vertueuses. Puis nous avons cité le second verset, wa qawluhu qul in kana aba'ukum ila qawli ta'ala habba ilaykum min Allahi wa rasuli. Donc dit si vos pères, vos enfants, jusqu'au verset vous sont plus chers qu'Allah et son message. Donc dans ce verset, on a vu qu'il fallait faire devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre chose. Et que celui qui fait devancer la dunya sur cet amour sera ou bien aura commis un grand péché. Na'am. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui ont fait devancer des choses de dunya sur ses ordres, sur l'accomplissement de ses ordres. À la fin du chapitre, répète-moi ça. Barakallah fik. Ensuite, le premier hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'après Anas, nul d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tout le reste de l'humanité. Apporté par l'imam Bukhari et Moussi. Donc, pour que la personne ait la foi complète, il lui faut préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses propres enfants, ses propres parents, sa propre personne et l'ensemble des gens. Et sans cela, sa foi ne pourra être complète. L'auteur a cité ce verset, ou plutôt ce hadith, pour nous dire que si il en est ainsi pour une créature, car il est le messager d'Allah, que dire alors de l'amour que nous devons porter au Créateur? Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim. ولهما عنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا لله ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Dans le second hadith, également rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a ces trois choses goûtera la saveur de la foi. Trois choses. Celui qui les réunit goûtera au délice de la foi, à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose. Lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Dans une autre version, nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi jusqu'à la fin du hadith. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه. أي ثلاث خصال. من كنا فيه اجتمعت عليه وجد بهن بهذه الخصال حلاوة الإيمان لما يحصل له من اللذة وطمأنينة والراحة والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici trois choses: celui qui les réunit goûtera à la saveur de la foi, au délice de la foi. Trois choses, c'est-à-dire trois qualités. Celui qui a ces trois qualités, qui réunit ces trois choses, goûtera par leur cause au délice de la foi. La foi a un goût réel. La foi a un goût, une saveur. C'est un délice que le croyant qui a parfait sa foi goûte, ou bien auquel goûte celui qui a parfait sa foi. Il trouve une tranquillité dans son cœur, un apaisement, et il se délecte de par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Au même moment où une autre personne qui fait exactement la même action que lui doit supporter cette action et trouve une difficulté. Ce dernier, lui, de par le délice de la foi qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, de par ce plaisir qu'Allah a mis dans son cœur, lorsqu'il est dans cette adoration, il prend énormément de plaisir. Et plus il adore Allah, plus il l'invoque, le loue, avec son cœur, avec sa langue et ses membres, plus il tire de ce plaisir. À l'image de deux personnes qui font la prière, le premier, mal aux jambes, attend qu'une chose sortir de la salat. Car la prière est très longue, comme dans salat Tarawih par exemple. Le deuxième, plus il se tient debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, plus il écoute le Coran et le médite, plus sa foi augmente. C'est comme si son cœur allait déborder d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de plaisir de par cette adoration. C'est ce qu'on appelle halawatul iman, le délice et la saveur de la foi. Connaissent cela ceux qui y ont goûté. Quelles sont ces trois choses qu'il nous faut réunir pour avoir halawatul iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la première caractéristique, c'est la base. La deuxième, ce qui en découle. La troisième, ce dont nous devons nous préserver pour ne pas perdre cette chose. Donc il y a l'asl, c'est la première caractéristique, la base. La deuxième, c'est le fara, c'est ce qui découle. La troisième, c'est ce dont il faut se préserver. Ce dont il faut se préserver pour ne pas annuler ce qu'on le recherche. Ce qu'on recherche. Donc, tu dois faire devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'amour de toutes les créatures et de toutes les choses de dunya. Femmes, enfants, argent, richesse et même ta propre personne. Les parents, les proches et ainsi de suite. La deuxième caractéristique découle de la première. Wa yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il n'aime les gens, ne les aimant que pour Allah. C'est-à-dire que lorsqu'il aime quelqu'un, ce qui aura fait bouger son cœur vers cette personne-là sera le fait que cette personne a des qualités religieuses qui lui ont valu cet amour. Donc il aime les gens pour leur piété. Il aime les gens pour leur din, pour leur religion. Il aime les gens du fait qu'ils agissent en conformité avec les ordres d'Allah Azza wa Jal. Idhan, il aime les gens pour leur piété. Et du fait qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les aime pour Allah. Pas pour une maslaha dunyawiya, pas pour un intérêt mondain et en rapport avec ce bas monde, pas parce qu'il lui rend des services, pas parce qu'il lui rend des services, pas parce que c'est un proche, non, juste pour Allah. Il l'aime juste pour Allah. Il l'aime car c'est un monothéiste. Il l'aime car il s'efforce d'obéir à Allah. Il l'aime car il s'efforce de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici pourquoi son cœur a penché vers cette personne. Et les effets de cet amour sont immenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que yom al-qiyamah, Allah appellera ses créatures et dira: Aïna al-mutahabbina fi jalal. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? اليوم aujourd'hui أظلهم في ظلي je vais les couvrir de mon ombre يوم لا ظل إلا ظل ce jour dans lequel il n'y aura aucune ombre si ce n'est la mienne comme c'est venu dans l'autre hadith l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal donc les bien-aimés ceux qui se sont aimés pour Allah Azza wa Jal ce jour-là Allah Tabaraka wa Ta'ala va les couvrir sous cette ombre et ils n'auront pas à subir donc la difficulté d'être sous le soleil qui aura été rapproché des têtes des serviteurs d'Allah Azza wa Jal aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que cette catégorie de personnes seront sous l'ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci et parmi ceux-là il a cité وَرَجُلًا تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَافْتَرَقَ عَلَيْهِ deux hommes qui se sont unis pour Allah se sont connus en lui et se sont séparés pour lui et c'est ainsi qu'ont été décrits les croyants dans le Coran par cette qualité ils aiment les croyants ils les secourent et les conseillent à cela Allah Azza wa Jalla leur a promis sa miséricorde donc du fait que ces gens ont aimé Allah plus que toute chose ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures a découlé de cela qu'ils ont aimé ce qu'Allah a aimé c'est pour ça qu'ils aiment les gens pour Allah la troisième caractéristique wa yakrah an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah min kama yakrah an yuqdhafa fil nar dernière caractéristique le fait de détester retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé tout comme il détesterait être jeté dans le feu ça concerne plus particulièrement ceux qui se sont convertis à l'islam la personne qui se convertit à l'islam est sortie de la mécréance il a aimé Allah tabaraka wa ta'ala plus que toute chose il a purifié son amour de tout autre qu'Allah azza wa jal Il a préféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les créatures, il l'a donc suivi. Par la suite, cet amour a fait qu'il a aimé les gens pour Allah. Maintenant, il se dit qu'il est dans un bienfait tellement immense qu'il détesterait changer de situation pour tomber dans la chose qu'Allah déteste. Le plus, al-kufr. Donc du fait qu'il aime Allah plus que tout, Il aime maintenant et déteste maintenant selon ce qu'Allah aime et déteste. Et la chose qu'Allah déteste le plus, c'est quoi ? Al-kufr wa shirk. Donc cette personne-là, ce qu'elle déteste le plus, c'est quoi ? Al-kufr wa shirk. À un point tel, qu'il le déteste de la même façon que si on le jetait dans le feu. Et pour lui, c'est pareil. De retourner à la mécréance ou d'être jeté dans un feu, pour lui c'est pareil. Donc ça c'est l'état du cœur de celui qui s'est nourri de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a unifié Allah azza wa jal d'un culte sincère. Il ne voit plus avec ses yeux, il voit avec son cœur. Il n'aime plus selon ses passions, il aime selon ad-din. Et tu remarqueras que des gens qui étaient très loin de la religion d'Allah azza wa jal détestaient certaines personnes. En entrant dans le din, ces mêmes personnes deviennent les gens qu'ils aiment le plus, subhanallah. Pourquoi ? Car à présent, cet amour, ce qui fait bouger ce cœur, n'est plus al-dunya, n'est plus al-qaraba. Est-ce que c'est un proche ou pas ? Est-ce qu'il a ma couleur ou pas ? Est-ce qu'il a ma langue ou pas ? Est-ce qu'il me donne de l'argent ou pas ? Est-ce qu'il m'aide ou pas ? Non. Est-ce qu'il est pieux ou pas ? S'il est pieux, je l'aime. Il ne se donne pas le choix si ce n'est de l'aimer. Parce qu'il n'aime pas selon ce qu'il voit lui. Mais selon ce que lui dicte ad-din. Ça, c'est une qualité qu'on doit avoir. Celui qui a parfait at-tawhid, il a cette qualité. Parmi les sahaba, j'ai oublié lequel, peut-être Abdullah ibn Amr ou bien Amr ibn al-As, il dit, il n'y a pas un visage, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un visage que je détestais plus que le tien. Et wallahi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un visage que j'aime plus que le tien. Et il n'y a pas un pays que je détestais plus que le tien. Et aujourd'hui, la terre que j'aime le plus est la tienne. À ce niveau, jusqu'à atteindre ce niveau, subhanallah. Pourquoi? Car l'amour qui était dans le cœur, il y avait une part pour les fausses divinités, une part pour Allah, une part pour la dunya, une part. Maintenant, cet amour, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Découle de cet amour qu'on aime pour Allah et qu'on déteste pour Allah. Et la créature qu'Allah aime le plus, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point il l'a pris en tant que Khalil, a'la darajat al-hubb, en tant que Khalil, c'est-à-dire le niveau le plus haut de l'amour. Donc voici les trois choses qu'il nous faut réunir pour goûter aux délices de la foi. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité une autre version du hadith. Cette version est dans le recueil de l'imam Bukhari, al-Bukhari. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث. Aucun de vous ne goûtera aux délices de la foi, la saveur de la foi. Puis il a cité les trois caractéristiques. Pourquoi est-ce que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a cité cette deuxième version du hadith alors que la première version est dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam muslim? Donc c'est le niveau le plus haut de l'authenticité. Indaman. La question est un petit peu difficile. Mais comme vous faites partie des gens studieux et mujtahidoun, vous pouvez trouver. Naam. Comment? Il te faut parler plus fort. A voulu insister sur la négation. C'est pas mal. Très intelligent de ta part. Indaman. On va relire le premier hadith. Celui qui a ces trois choses goûtera la saveur de la foi. Puis on cite les trois. Dans la deuxième version, nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi. Nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi. Il y a une nuance entre le premier hadith et le deuxième hadith, même si la finalité est la même. هذه الرواية الثانية بدلالة المنطوق والأولى بالمفهوم والمنطوق أقوى لذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. La deuxième version du hadith est plus explicite et plus direct. C'est la raison pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala l'a cité. Car on dit de manière explicite que la personne n'aura pas la saveur de la foi. N'aura pas la saveur de la foi. Alors que dans la première version du hadith, on nous fait comprendre que sans ces trois choses-là, elle n'aura pas la saveur de la foi. D'accord? Dans la deuxième version, c'est plus explicite. Munasabatul hadith lilbab في فضيلة تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit le mérite de faire devancer l'amour d'Allah et de son messager sur toute autre chose. نستفيد من هذا الحديث العظيم فضيلة تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وفضيلة المحبة في الله On tire de ce hadith le mérite de faire devancer l'amour d'Allah et de son messager sur toute autre chose. Le grand mérite d'aimer les gens pour Allah. La permission d'aimer les choses de la dunya. La permission d'aimer des choses de la dunya. Et qu'il n'y a pas de mal dans cela. Tant que cet amour ne vient pas concurrencer l'amour qu'on porte à Allah, subhanahu, son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve de cela? D'où est-ce que les savants ont tiré cela dans le hadith? ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما شاهدنا من الحديث أحب هذا تفضيل هذا تفضيل. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que toute autre chose. Ça veut dire qu'il peut aimer autre chose, mais que cet amour ne doit pas atteindre le même niveau qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'amour adoration qu'il porte à Allah azza wa jal. Donc il n'y a pas de mal à aimer chose de la dunya, que ce soit l'argent, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, ses parents, ses amis et ainsi de suite, mais cet amour là ne doit pas passer avant l'amour d'Allah subhanahu, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunal walayatullah bidhalik ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui s'allie pour Allah et qui prend des ennemis pour Allah, c'est ainsi que l'on devient un allié d'Allah. Et aucun serviteur ne goûtera la douceur de la foi, même si ses prières et son jeûne sont aussi nombreux, même si ses prières et son jeûne sont nombreux, jusqu'à ce qu'il se comporte de la sorte. Mais aujourd'hui, la plupart des relations de fraternité entre les gens sont basées sur des affaires du bas monde. Or, cela ne leur apportera rien d'utile, apporté par Ibn Jarir. هذا الحديث أو هذا الآثار ضعفه أهل العلم. Ce texte comporte des faiblesses. Les gens de science ont dit qu'il était faible. Mais le sens qu'il comporte a été affirmé dans d'autres textes. Et les hadiths précédents le prouvent. Donc, man ahabba fillah wa abghadha fillah, celui qui aime pour Allah, c'est-à-dire parce que la personne est pieuse, et qui déteste pour Allah, c'est-à-dire car la personne est désobéissante, man ahabba fillah fi dhatillah, fi dinihi wa shar'ihi. لا لعرض الدنيا أو الباء أو الفاء ماذا في بمعنى السببية تكون المعنى من أجل الله ووالى في الله وعاد في الله الولاية بفتح الواو بمعنى المحبة والنصرة بمعنى المحبة والنصرة أي حصل ذلك من أجل الأخوة الإيمانية. Donc celui qui s'allie pour Allah, il aime et secourt pour Allah, car la personne croit en Allah et est pieuse. وعاد في الله, معادة c'est le contraire de الولاية. فإنما تنال ولاية الله بذلك. Certes, c'est ainsi qu'on devient un allié d'Allah. الولي تعريف من القرآن كل مؤمن تقي قال الله ألا إنما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل nous dit: certes les alliés d'Allah n'auront pas à avoir peur et ne seront pas tristes. C'est comme si quelqu'un avait dit, mais qui sont-ils, ya Allah? Et Allah de nous dire, ceux qui ont eu la foi et étaient pieux. Donc, qui est le wali? Le wali, c'est toute personne croyante étant pieuse. Kullu mu'minin taqi wali. Walaha maratib al walaya laha maratib. Puis il y a des degrés. Plus la personne a la foi et plus elle est pieuse, plus elle est proche d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, Allah waliyu alladhina aman. Allah est l'allié de ceux qui ont eu la foi. Que veut dire qu'il est leur allié? Qu'il est na'am leur allié? C'est-à-dire qu'il les aime, les secours, les préserve, les défend, et ainsi de suite. Puis on nous dit, وَلَا يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَ الصَّلَاةُ وَصَوْمُ حَتَّى أَكُونَ كَذَلِكَ. Et aucun serviteur ne goûtera à la douceur de la foi, même si ses prières sont jeûnes, sont même s'il jeûne beaucoup et prie beaucoup, jusqu'à ce qu'il se comporte de la sorte. Tant que la personne n'a pas rempli son cœur d'amour d'Allah Azza wa Jal, et n'aura pas aimé les gens en fonction de cet amour, il ne deviendra pas un wali d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut avoir le wala al-bara, l'alliance et le désaveu. Aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime et se désavouer de ce qu'il n'aime pas. Et comment est-ce que la personne douée de raison pourrait aimer celui qui déteste Allah et qu'Allah déteste? Comment est-ce que la personne qui a un aql pourrait faire cela? Que dire alors du croyant? Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. Est-ce que tu aimes les ennemis du bien-aimé et tu prétends l'aimer? Ceci n'est pas réalisable. Ceci n'est pas réalisable. Puis on nous dit, mais aujourd'hui, la plupart des relations de fraternité entre les gens sont basées sur les affaires de ce bas monde. La plupart des gens, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils s'aiment et se fréquentent, ça n'est pas selon ce qu'ils découlent, selon ce qui découle de l'amour qu'on a pour Allah. Mais, car il y a un intérêt. Car il y a un intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils aiment fréquenter un tel? Parce qu'un tel est un fin commerçant, il lui rapporte de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il aime fréquenter un tel? Car un tel est connu. Alors, il a des passe-droits. Et ainsi de suite. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sahaba n'étaient pas ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'asseoir avec les pauvres. Il invoquait Allah azza wa jal pour aimer les pauvres. Et il restait très souvent avec Abu Hurayra, qui l'accompagnait tout le temps. Et un jour, il a dit à un sahabi, avec lequel il a plaisanté au marché. Subhanallah. J'ai oublié le nom du sahabi, mais Allah Azza wa Jal sait qu'il est. Sahabi Azim, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au marché. Il est venu derrière un sahabi, il l'a attrapé par la taille et il l'a soulevé. Vous imaginez cette scène, vous avez compris ou pas? Il est venu derrière le sahabi, il l'a attrapé ainsi par la taille et il l'a soulevé. Et le sahabi a dit, lâche-moi, lâche-moi, qui es-tu? Lâche-moi, lâche-moi, qui es-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait derrière lui. Ensuite, il a vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est-ce qui veut acheter cette personne-là? Alors le sahabi a dit, moi ya Rasulallah, mais qui est-ce qui voudrait de moi? Je n'ai aucune valeur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِي. Subhanallah. Il lui a dit, mais auprès d'Allah, tu as une grande valeur. Et qui est-ce qui voudrait de moi alors que je ne vaux rien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais auprès d'Allah, tu ne vaux pas rien. Hadithun azim. Ah, c'est un pauvre sahabi. Et Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui témoignait de son affection et de sa mahab. Alors qu'il était pauvre, et par moments il tombait à terre, tellement il avait faim. Tellement il avait faim, il ne trouvait rien pour combler cette faim. Au point où il marchait des nuits, et il questionnait les sahabas. Il marche avec Abu Bakr, et lui pose des questions sur des hadiths, alors que lui-même les connaissait. Mais en se disant peut-être qu'il va penser à moi, et me donner de la nourriture une fois arrivé chez lui. Mais Abu Bakr ne savait pas l'intention de Abu Huraira. Alors il marchait avec lui, puis il lui disait au revoir à sa porte. Puis il allait trouver Omar et faisait la même chose. Et Omar faisait la même chose que Abu Bakr. Ensuite il marchait avec le prophète Arsallam, celui qui avait la plus grande miséricorde envers les croyants. Et le prophète Arsallam immédiatement comprenait le besoin de Abu Huraira et il lui disait, je suis dans la même situation que toi. Je n'ai rien. Et par moments, il croise des sahabas dehors la nuit, il leur dit, qu'est-ce qui vous a fait sortir? Il répond, Al-Jou' ya Rasulallah, la faim au messager d'Allah. As-sahaba, radiallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé ces gens-là pour s'asseoir avec les riches, pour leur argent et ainsi de suite. Abadan. Il est resté avec ces gens-là au point où certains parmi Kuffar Quraysh disaient, ne nous nuis pas avec ces gens-là. Yani, si tu veux rester avec nous, tu ne ramènes pas ces gens. Hein? Le prophète sallam n'a pas fait devancer les gens devant les pauvres parmi les croyants. Lanna al-ibra indallah azza wa jal bit-taqwa. Car ce qui prime auprès d'Allah azza wa jal, c'est la piété. Et Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec ces gens-là. En lui disant, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Patiente. Et reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir en espérant par cela son visage. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de rester avec ces gens-là, les gens de la piété du tawhid. Le croyant peut par moment trouver cette chose dans son cœur. Et ça va se manifester de plusieurs façons. Parmi ces façons, c'est qu'il va être plus indulgent avec certaines personnes parce qu'elles lui font du bien. Et parce qu'elles ont telle place. Alors qu'il sera plus dur avec ceux qui ne lui sont pas utiles dans sa dunya. Par exemple, un tel a l'habitude de lui donner des cadeaux. Alors lorsqu'il va faire une faute, il ne lui dira rien. Un tel est pauvre, lorsqu'il va faire une faute, il va être sévère avec lui. Ou bien c'est un responsable. Un tel est le frère, par exemple, de son épouse. Et il travaille moins bien qu'un tel qui est connu de personne. Lorsque son beau-frère va se tromper, il va être indulgent. Lorsque l'étranger va se tromper, il va être sévère. Parce que c'est basé sur la dunya. Parce que c'est basé sur la dunya. Certaines personnes parlent et disent, un tel je ne l'aime pas. Pourquoi? Il n'aime pas son visage. Ou bien il n'aimait pas son frère, alors il ne l'aime pas lui. Ou bien il lui a refusé un service. Pour des choses de dunya. Al-Muslim, al-Muahid, alladhi ahabba Allah Azza wa Jal. Celui qui a aimé Allah Azza wa Jal sincèrement de son cœur, entièrement, il ne se comporte pas ainsi. Ce qui va faire en sorte qu'il va l'aimer ou pas, à des degrés différents, c'est sa piété. Donc si la personne est pieuse, il ne se donne même pas le choix. Est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il ne l'aime pas? Il l'aime automatiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles-là nous sont rapportées du temps des pieux prédécesseurs, si le texte avait été authentique. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, si eux disaient que leurs relations sont basées sur la dunya, nous, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de relations sont basées sur la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Pas la dunya, al-mubaha, non, mais ma'asiyatullah. C'est-à-dire que les gens se réunissent pour désobéir Allah Azza wa Jalla. Combien d'assises dans lesquelles la chair des gens sont mangées? Au point où les gens n'ont plus honte de manger la chair des savants. Ou d'écrire même sur Internet, particulièrement cette époque où il y a Maza, Twitter, et à quoi encore? Facebook. Il y avait ce genre de choses. Donc si les gens d'avant se plaignaient que leur relation était basée sur la dunya, nous aujourd'hui on peut se plaindre de plus et de pire, malheureusement. Un tel rencontre un tel et il se donne rendez-vous pourquoi? Pour aller boire de l'alcool, pour aller fumer, pour aller se droguer, pour aller chercher des femmes, et ainsi de suite. Pour aller voler. Wahakata. Or cela ne leur apportera rien d'utile. Or cela ne leur apportera rien d'utile. Bien au contraire, cela leur apportera du mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ceux qui s'aimaient dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla nous dit que yawm al-qiyamah seront les ennemis les uns des autres. Sauf ceux qui étaient pieux. Afwan, car ceux qui étaient pieux dans ce bas monde se commandaient s'ordonnaient le convenable et s'interdisaient le blâmable. Alors que les gens du mal sont, yani, s'entraidaient dans le haram. Donc ils seront les ennemis les uns des autres. Qalu rabbana. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim dhi'afayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Subhanallah. Les gens qui s'aimaient dans ce bas monde, qui avaient des liens. Alhamdulillah. Allah nous dit qu'ils vont invoquer les uns contre les autres. Ils vont faire dua les uns contre les autres. Alors que dans ce bas monde, ils se fréquentaient. À la fin de Sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils vont invoquer et dire: oh Allah, nous avons obéi à nos dirigeants et nos grands. Alors châtie-les doublement et maudis-les. Plutôt, ils nous ont égarés du droit chemin. Oh Allah, châtie-les doublement et maudis-les. Ils vont faire dua les uns contre les autres. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي. Le jour où la personne se sauvera de son propre frère, sa propre mère et son propre père. Alors que les gens pieux, ceux qui se recommandaient le bien, ces gens-là vont courir les uns vers les autres. Et jusqu'au Jannah, ils vont s'asseoir ensemble. La personne qui était pieuse, elle va réceptionner son livre de la main droite. Comme dans Sourate Al-Haqqa. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. La personne, elle va prendre son livre, elle sera heureuse, elle va revenir vers sa famille. Regardez, prenez mon livre, regardez mon livre. Naam. L'enfant qui est décédé va attendre ses parents aux portes du paradis. Et on va dire à l'enfant: entre au fil Jannah. Il va dire: non, jusqu'à ce que mes parents viennent. Subhanallah. Alors on va lui amener ses parents, il va rentrer avec eux fil Jannah. Le fait qu'ils l'ont espéré auprès d'Allah Azza wa Jalla, on se parle. La femme qui recommandait le bien à son mari, le mari qui recommandait le bien à son épouse, les parents qui éduquaient les enfants qui ont commandé. Mada, conseiller les parents, tous ces gens-là ne vont pas se sauver les uns des autres. Mais Allah Azza wa Jal va les récompenser et les élever. Au point où si les parents sont à un degré, on va élever les enfants au même degré. Si les parents sont à un degré, on va élever les parents au même degré. Sans nuire, sans opprimer personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que les liens qui ne sont pas basés sur la dunya apportent des regrets dans l'au-delà. Dans ce bas monde, ça amène au mal et au haram. Et vous connaissez tous la gravité des mauvaises fréquentations. Et dans l'au-delà, ça emmène ce que vous venez d'entendre. Pour finir, وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. Ibn Abbas dit aussi au sujet de la parole d'Allah, les liens entre eux seront brisés. Il dit, il s'agit des liens d'amitié. Il dit, il s'agit des liens d'amitié. Al-asbab jam'u sabab. Wa huwa kullu ma yutawassal bihi ila shay. L'amour qui comportait du shirk, l'amour qui était avec Allah, qui a été donné pour une créature avec Allah, un amour adoration, apportera des regrets. Ils ont aimé leur fausse divinité, les ont adorés en espérant un bien en retour. Ben, ces liens vont se briser. Ces liens vont se briser. L'amour qui était basé sur le shirk, l'amour qui était basé sur le péché, toutes ces choses-là n'apportera aucun bien à ces personnes. Au contraire, ils vont se désavouer les uns des autres, se maudire les uns les autres. Donc les suiveurs vont se désavouer de ceux qui les suivaient et leurs liens se briseront. Ibn Abbas nous dit ici les liens d'amitié. هكذا ينتهي الباب. C'est ainsi que se finit le chapitre sur la mahabba. C'est un chapitre qui a la plus grande importance. Car notre faiblesse dans l'adoration, elle est due à notre manque d'amour d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde dit ana uhibbullah. Hein? Le but, c'est pas que toi tu aimes Allah Azza wa Jal. Le but, c'est qu'Allah t'aime, tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes aiment Allah, ils sont dans les bid'a, dans les innovations. Certaines personnes aiment Allah, ils sont dans les shirkiyat, de jour comme de nuit. Par contre, si Allah t'aime toi, ça veut dire que tu es sur le haqq. Le fait que toi tu aimes Allah n'est pas un signe que tu es sur la vérité. Tout le monde aime Allah Azza wa Jalla, hatta al-kuffar. Par contre, Allah n'aime pas tout le monde. Allah n'aime pas tout le monde. Il aime celui qui l'unifie d'un culte sincère et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime celui qui préserve les obligations et ajoute à cela des actions surrogatoires. Et une question très importante, comment augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, ma'rifatullah, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de connaître ses noms sublimes, qui nous montrent sa bienfaisance envers nous. C'est le Khaliq, notre créateur, Badi'a, Samawat, celui qui a créé les choses à partir de rien, sans exemple. C'est Al-Karim, Al-Jawad, c'est le généreux. Al-Tawwab, Al-Rahim, le grand accueillant au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Al-Rahim, tout miséricordieux, la pitié de ses créatures. Lorsque tu entends tout cela, tu aimes Allah Azza wa Jalla. Tu aimes Allah Azza wa Jal car tu vois à travers ses noms sa perfection. Tu vois à travers ses noms sa générosité et ses grâces qu'il t'accorde. Ça, c'est la plus grande cause. Celui qui connaît Allah, comme on dit certains parmi les plus près des sœurs, man arafa Allah habba la mahala. Celui qui connaît Allah l'aimera, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Son cœur va se remplir de l'amour d'Allah Azza. C'est pour cela que la meilleure science est l'étude des noms des attributs d'Allah Azza wa Jal, car ça te donne cela, bi'idhnillah. Deuxièmement, tilawatu kitabillahi Azza wa Jal. la lecture du Coran bitadabbur, avec méditation. En lisant le Coran ou en lisant le Mus'haf, tu vas commencer en disant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alam. Si tu médites ce verset, ton cœur va se remplir d'amour pour Allah Azza wa Jal. Tu vas dire Alhamdulillah. Alhamdu, c'est wasful mahmoud ibil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim wa ijla. Alhamd, c'est le fait de décrire Allah par des attributs de perfection, avec amour et immensification. Donc tu parles d'Allah, tu décris de sa perfection, le cœur rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal, rempli de respect et de vénération. Tu l'immensifies. Rabbil Alamin. Donc tu dis que l'ensemble de cette louange revient de droit à Allah Azza wa Jal, de par sa perfection et sa bienfaisance. Puis tu dis Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. C'est Rabbul Alamin, donc c'est ton maître, ton créateur et celui qui t'a donné tout ce que tu as. Comment est-ce que ton cœur ne pourrait ne pas l'aimer? Pense à la chose que tu aimes le plus, fit dunya. Réfléchis, cherche tout ce que tu aimes, fit dunya. Adam, c'est quoi que tu aimes le plus? Réfléchis bien. Ce que tu aimes le plus, fit dunya, parmi les choses de dunya. Je ne sais pas, tu es trop préoccupé par l'amour d'Allah. Naam. Man nas'al. Qu'est-ce qui répond à cette question? Anta. Quelle est la chose que tu aimes le plus fi dunya? Les femmes. Allahu Akbar. C'est un amour naturel, la baisse. Qui est-ce qui a créé ces femmes? Celui qui se marie. Qu'est-ce qui lui a facilité ce mariage? Donc, si la personne a un grand amour pour une chose de dunya, elle se rappelle que celui qui lui a donné cette dunya, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Ben, son amour qu'il avait déjà pour Allah Azza wa Jal était plus que tout. Plus que son amour pour toute autre chose. Ben, en méditant un bienfait, son amour a encore augmenté. Mafhoum? Donc, il lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, son amour augmente pour Allah Azza wa Jal. Et pour chaque bienfait qu'il médite, son amour augmente davantage. Alors que son amour est déjà supérieur à toute chose. Et cela nous amène donc, na'am, le deuxième point c'est tilawatul Qur'an. Il lit le Qur'an. En lisant le Qur'an, tu vas voir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tu vas voir la rahma d'Allah Azza wa Jal. Tu vas l'aimer encore plus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Parmi les causes qui aident à augmenter son amour, c'est le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nos personnes. Car le cœur de la créature se dirige naturellement vers celui qui lui fait du bien. Jubilat al-nufus 'ala al-mayl ila man ahsana ilayha. Le nafs, le cœur, naturellement penche vers celui qui lui fait du bien. Donc en te rappelant des bienfaits, tu vas aimer Allah Azza wa Jal davantage. Sahih? Al-muhafaza ala al-wajibat wa takmiluha bil-mustahabbat. Le fait de préserver les actions obligatoires et de les compléter avec des actions surrogatoires. Plus tu adores Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal t'accorde de son amour. C'est-à-dire, il te permet de l'aimer. Il t'augmente l'amour que tu lui portes. Et c'est le plus grand délice que l'homme peut atteindre dans ce bas-monde. C'est une des rares choses qui reste fil akhira. Dans ce bas-monde, tu adores Allah avec amour, crainte et espoir, sahih? Quand tu rentres fil jannah, est-ce qu'il te reste de la crainte? Juste la peur de ressortir. Mais on va égorger la mort, on va te dire tu vas rester ici et ne plus jamais mourir. Khalas. Sahih? Il n'y a plus de crainte. Il espérait quoi? Al-Jannah. Il est rentré fil Jannah. La chose qu'il craignait le plus, c'est quoi? La colère d'Allah ou An-Nar. On le met à l'abri du Nar. Ensuite, Allah Azza wa Jalla appelle les gens du paradis. Il leur donne Al-Rida. Khalas. Par contre, Al-Mahabba, elle reste. Al-Mahabba reste. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a dit I'lam anna muharrikati al-qulubi ila Allah ta'ala thalath. Al-mahabba wal-khouf wal-raja aqwaha al-mahab. Puis là, détail encore. Sache que les choses qui font bouger le cœur vers Allah sont nombre de trois. Ce qu'on appelle les piliers de l'adoration. L'amour, la crainte et l'espoir. Et sache que la chose la plus forte, c'est l'amour. Non. Donc tu préserves les actions obligatoires. À chaque fois que tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jal te facilite une autre. Et ton amour pour lui augmente. Puis une deuxième, ton amour pour lui augmente. Tu te montres reconnaissant parce qu'Allah t'a facilité. Allah Azza wa Jal t'accorde encore plus. Tu te montres reconnaissant et ainsi de suite. Et ton amour augmente et augmente. Par la suite, tu vas sortir de ce niveau-là pour aller au niveau de l'élite. L'élite de l'élite des croyants. C'est qu'après avoir rempli ton cœur d'amour d'Allah Azza wa Jal, après avoir préféré Allah Azza wa Jal à toute autre chose, après avoir préservé les actions obligatoires et qu'Allah Azza wa Jal t'ait facilité les actions surérogatoires, lui, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, El Wadud, va t'aimer. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Dans un hadith qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: قال الله تعالى: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par des actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc c'était, il avait pour bien-aimé Allah. Maintenant Allah Azza wa Jal le prend en tant que bien-aimé. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a rien d'étonnant dans le fait que toi tu aimes Allah. C'est ton Seigneur. Sahih, celui qui t'a tout donné. Mais la chose étonnante, c'est que le Seigneur des mondes tout-puissant t'aime toi le faible. Ça c'est azim, jiddan. Que toi tu deviennes le bien-aimé d'Allah alors qu'Allah n'a pas besoin de toi ni de tes actions. C'est lui qui t'est là, qui t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a enseigné comment faire ses actions. Ensuite il t'aime. Alors que c'est pas grâce à toi, c'est grâce à lui. Hadha azim jiddan. Tu as des péchés, tu as des manquements. Il t'a tout facilité et malgré ça il t'aime. Hadha amrun azim jiddan. Ghayatu wa umniyatu. Ça c'est le but recherché par toute personne douée de raison. Que dire alors des croyants? Hasil anna mahabbat Allah jannatul muwahhidin fi dunya. Fas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana hubbah wa hubba ma yuhibbu wa hubbu wa hubba al masakin wa hubba amalin yuqarribuna ilayhi subhanahu wa ta'ala. On invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il nous accorde son amour et l'amour des choses qu'il aime et l'amour de chaque action nous rapprochant de lui. Dans le chapitre prochain, Inch'Allah Ta'ala, on étudiera Al-Khawf. La crainte d'Allah. Après avoir parlé de la mahabba, l'auteur rahimahullah ta'ala va citer Al-Khawf. Et pour ne pas être lourd sur vos personnes, on va repousser ce cours à la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi alladhi bi tatimmi as-salihat.